Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Pour la septième fois depuis l'indépendance de ce pays en 1960, la France est donc intervenue militairement en Centrafrique. Nom de code de l'opération, Sangaris. Mais jamais sans doute les soldats français ne vont faire face à une situation plus dangereuse et plus désespérante. Le pays, qui n'est quasiment plus gouverné, est depuis des mois livré à des bandes de pillards qui terrorisent, volent et tuent. Plus de 400 morts le week-end dernier à Bangui. En brousse, ces mêmes pillards obligent les villageois à trouver refuge dans les forêts. Là, ils doivent affronter de nouveaux dangers, la faim, la soif, le paludisme. Les jeunes enfants y résistent rarement. Il faut ajouter à cet épouvantable tableau les convoitises des pays voisins qui ne sont pas étrangers à la grave crise que traverse la Centrafrique. Et ne pas oublier non plus les appétits de quelques grands groupes et autres affairistes pour des richesses naturelles encore largement inexploitées, mais qui pourraient rapporter gros si elles le devenaient. Enfin, on y assiste depuis quelques mois à l'émergence d'un phénomène nouveau et inquiétant. Les affrontements qui déchirent le pays ont pris pour la première fois une coloration religieuse, musulmans contre chrétiens. Des rivalités qui ont peut-être été sciemment exacerbées par les factions qui luttent pour le pouvoir. Dans ces conditions, que pourra faire le contingent militaire français? Bref, la Centrafrique est-elle encore un pays viable? Monsieur X répond et revient sur les causes de cette catastrophe humanitaire. Rendez-vous avec X. La France, qui a pratiqué autrefois un colonialisme particulièrement brutal dans ce qui était l'Oubangui-Chari, n'a jamais été absente de la Centrafrique. Ouais, elle a longtemps fait et défait les gouvernements. Hein. Bah, il suffit de se souvenir de la façon dont Paris s'est débarrassé de Bokassa après avoir encouragé sa mégalomanie. Mais si notre pays a aujourd'hui finalement décidé d'intervenir en Centrafrique, ce n'est certainement pas de gaieté de cœur. Et d'abord, parce que François Hollande voulait rompre avec les méthodes de la France-Afrique, d'autant qu'il avait déjà engagé l'armée au Mali. Oui, mais il a été rattrapé par le désastre humanitaire que connaît aujourd'hui la Centrafrique. Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu sur place, a même parlé de situation pré-génocidaire. Oui, mais n'utilise-t-on pas un peu trop souvent là, ce mot génocide ? Bon, vous avez certainement raison. N'empêche que la situation est réellement catastrophique et qu'il y avait urgence à agir. Et les centaines de soldats français envoyés en Centrafrique ne seront certainement pas de trop pour rétablir la sécurité. Alors, bon, sans remonter trop loin, voyons comment et pourquoi le pays a peu à peu sombré dans le chaos. C'est en 2003 que l'ancien chef des forces centrafricaines, François Bozizé, profite d'un voyage à l'étranger du président Ange Félix Patassé pour s'emparer du pouvoir. Ça, c'est classique. Il faut noter que Bozizé a bénéficié d'une aide militaire tchadienne et qu'il a obtenu un feu vert de Paris qui envoie à nouveau des paras dans le pays. Alors que nous étions militairement désengagés en Centrafrique. Et c'est essentiellement pour faire face à une éventuelle initiative libyenne. Mais le nouveau régime est perpétuellement menacé par deux forces rebelles installées au nord du pays. Et l'une d'elles est en partie composée d'éléments douteux que le président Bozizé a rassemblés lors de sa marche vers Bangui. Mmh, des mercenaires donc. Oui, autant de soudards qui, estimant ne pas avoir été récompensés à la mesure de leur aide, se paient sur l'habitant et combattent à l'occasion les troupes restées fidèles à Bozizé. Des troupes qui, elles aussi, n'hésitent pas à s'en prendre à la population civile et commettent les pires exactions. Une population qui se trouve alors prise entre deux feux et doit souvent fuir dans la brousse. Déjà. Et les forces françaises, alors ? Elles sont parfois obligées, elles aussi, d'intervenir. Un seul exemple qui est longtemps resté secret. En mars 2007, et pour la première fois depuis l'opération de Colvézi au Zaïre, des parachutistes français ont été largués au-dessus d'un pays africain. Oui, effectivement, on en a très peu parlé. Et l'état-major a minimisé l'importance de cette opération. Alors voilà, nous entretenons depuis la fin de 2006 une petite garnison d'une vingtaine d'hommes à Birao, une bourgade située dans le nord-est à 5 jours de route de Bangui, tout près du Darfour. Début mars 2007, des rebelles attaquent l'armée centrafricaine et par voie de conséquence, la garnison française. Les hommes encerclés appellent à l'aide. Quoi, légitime défense ? C'est ce qu'a affirmé l'état-major. Un mirage est d'abord engagé, détruit quelques véhicules ennemis, puis des dizaines de parachutistes français sont largués. Les rebelles s'enfuient en laissant de nombreux morts sur le terrain. La ville de Birao est reprise. Alors l'armée française est donc bien engagée dans cette guerre. Une guerre oubliée qui, selon les organisations internationales, a déjà provoqué la mort de centaines de civils. La fuite de plus de 200 000 personnes et au plus de 10 000 maisons ont été brûlées, dans le plus grand silence. Toutefois, à partir de mai 2007, le pays recouvre un certain calme et Bangui signe des accords de paix avec les rebelles. Alors qui sont-ils ? Le principal groupe se nomme l'Union des forces démocratiques pour le rassemblement, UFDR. À l'origine, il recrute dans l'ethnie des Goulas, installés à la frontière soudanaise. Mais il rassemble aussi un certain nombre de combattants déçus, dont pas mal de Tchadiens, et commence à prendre le contrôle des sites de production de diamants dans le nord-est. Michel Djotodia, le président actuel, est déjà l'un de ses leaders. Mais il existe aussi d'autres factions rebelles. Oui, par exemple ? La Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix, créée en 2008 dans le Nord-Ouest, pour protéger l'ethnie des Runga contre les attaques de l'UFDR. Ce mouvement conclut un accord de paix avec le pouvoir en août 2012. Mais l'un de ses dirigeants, le général Noureddin Adam, s'y oppose. Il deviendra plus tard ministre et c'est peut-être le nouvel homme fort de la Centrafrique. Enfin, j'y reviendrai. Mais d'autres mouvements rebelles encore ? Oui, plusieurs, mais je n'entre pas dans le détail. Je voulais au moins signaler la présence en Centrafrique d'éléments de la redoutable armée de résistance du Seigneur, de Joseph Kony. Oui, ce chef de bande, l'Ougandais, illuminé et sanguinaire. Oui, mais il serait passé en Centrafrique où des soldats ougandais, soutenus par des Américains, le poursuivraient. Enfin, il faut craindre aussi que les miliciens arabes du Darfour, les Janjaweed, ne viennent ajouter au chaos. Et en face, alors, que fait le pouvoir ? Le président Bozizé, réélu en 2011, promet beaucoup mais agit peu. Il n'a par exemple jamais répondu aux revendications des factions rebelles qui réclamaient une compensation financière et une intégration de leurs combattants dans l'armée. Il a complètement abandonné le nord du pays où il n'existe ni sécurité ni même service public. Quant à sa présidence, elle se caractérise par le népotisme et la prévarication. Enfin, en cela, Bozizé n'est guère différent de ses prédécesseurs. Oui. Mais il ne va pas tarder à être en difficulté. Hein. En 2012, on a vu naître un nouveau mouvement, la Séléka. Séléka, dans la langue nationale, le sango, ça veut dire alliance ou coalition. Mmh. Et d'où vient cette Séléka? C'est une coalition hétéroclite qui regroupe ces factions rebelles dont je vous ai parlé, et qui d'ailleurs ne sont pas d'accord sur grand-chose. Mais dans les forces de la Séléka, on trouve aussi des mercenaires soudanais ou tchadiens, des coupeurs de routes reconvertis et aussi des combattants musulmans originaires du nord du pays et recrutés dans les villages. Plus quelques jeunes gens désœuvrés recrutés dans les villes. Selon l'Union africaine, la Séléka aurait été composée de 80% d'étrangers venus des pays voisins. Mmh. Oui, et puis étant donné la porosité des frontières, ça n'est guère étonnant. Quand cette Séléka passe-t-elle à l'offensive? En décembre 2012. Mmh. Et l'objectif? Il s'agit clairement de renverser le gouvernement de François Bozizé. Mais ses troupes sont peu structurées, généralement indisciplinées. Et quand elles passent quelque part, elles dévastent tout. Il y a quand même un chef, hein. Oui, ce Michel Djotodia, qui est l'un des dirigeants de l'UFDR. Et qui est-ce alors? Cet homme du Nord, de confession musulmane, est un haut fonctionnaire qui a été formé en URSS et a été consul centrafricain au Darfour. Mmh. Mais manifestement, il n'a pas l'étoffe d'un leader. On s'en apercevra rapidement. Mmh. Autre question alors, combien d'hommes la Séléka a-t-elle réussi à mobiliser? On ne dispose pas de chiffres précis, mais on estime qu'en brousse, ils auraient été entre 15 000 et 20 000. Et ceux qui entreront dans Bangui seront 5 000. Mais on estime que les cadres du mouvement sont tout au plus 500. C'est peu, hein? Ça explique aussi pourquoi les chefs de la Séléka ont le plus grand mal à se faire obéir de leurs hommes. Ouais. Et comment sont accueillis ces combattants par la population? Pas trop bien, j'imagine. Parce qu'ils ont tendance à vivre sur la bête. Ouais. Ouais. Ce sont des pillards. Et le pouvoir centrafricain ne s'est pas privé de les présenter comme tels. C'est grave, parce que ça a exacerbé les rivalités traditionnelles entre les éleveurs musulmans et les agriculteurs chrétiens. Ouais, c'est-à-dire les nomades du Nord et les paysans sédentaires du reste du pays. En effet, le régime de Bozizé est allé encore plus loin. Il a jeté de l'huile sur le feu en appelant à la résistance contre des assaillants présentés comme des djihadistes et des suppôts d'Al-Qaïda. Y avait-il un fond de vérité? C'est vrai que ces gens du Nord étaient en général musulmans et que certains parlaient arabe. Mais djihadistes, non. Cependant, vous l'avez bien compris, il fallait que la population ait peur. C'était le seul moyen pour Bozizé, aux abois, d'essayer de sauver son pouvoir. Et malheureusement, les exactions des hommes de la Séléka allaient d'une certaine façon lui donner raison. Les exactions des membres de la Séléka. Thomas Cantalou, envoyé spécial de Mediapart, raconte. Pénétrant dans des villes et des villages où ils n'ont bien souvent jamais mis les pieds, ils pillent tout ce qu'ils peuvent et rançonnent la population. Ces types sortaient de leur brousse et ils avaient tout à coup l'impression de se retrouver à Disneyland, raconte un haut fonctionnaire. On en a vu qui volaient des télécommandes de climatiseurs en croyant que c'était des téléphones portables. L'électronique et les 4x4 sont des cibles de choix qui sont ensuite acheminées vers le Tchad ou le Congo où ils sont revendus illégalement. Toutes les administrations centrafricaines, y compris les forces de police, sont systématiquement dépossédées du peu de matériel qu'elle détenait. Une fois cette phase initiale de pillage liée à la prise du pouvoir, les 15 000 à 20 000 miliciens s'installent aux quatre coins du pays et établissent divers barrages et péages pour vivre. Ils ont des armes et personne ne les paie, euphémise un commerçant de la ville de Boire qui subit régulièrement la taxation des Séléka 500 francs CFA, 75 centimes pour se rendre au champ, 1000 francs pour le passage d'une voiture sur la route. Mais il dépouille aussi les paysans d'une partie de leur récolte ou de leur bétail. Les mineurs sont délestés des diamants qu'ils ont ramassés. Les commerçants sont forcés de remplir des bidons de 100 litres d'essence. Cependant, en janvier 2013, on observe une accalmie. Sous la houlette d'Idriss Déby et Sassoum Nguesso, deux chefs d'État très très attentifs à l'évolution de la situation en Centrafrique. Un accord est signé à Libreville entre la Seleka et le gouvernement Bozizé. Très très attentif, qu'est-ce que ça veut dire? Le Tchadien Déby en particulier a toujours été tenté de se mêler des affaires centrafricaines. On en reparlera. Alors un accord, mais sur quelle base? Il prévoit la formation d'un gouvernement d'union nationale et un cessez-le-feu. Et à cet instant, Bozizé se croit sauvé. Non seulement il refuse d'appliquer les recommandations de l'accord de Libreville, mais il fait appel à un bataillon de 200 militaires sud-africains. Toutefois, prudemment, il demande aussi à plusieurs reprises l'aide de la France. On voit même dans les rues de Bangui des manifestants manipulés par le pouvoir qui appellent la France au secours. Mais Paris, qui est déjà intervenu en 2006 et 2007, ne répond pas. Seule la MICOPAX semble réagir. La quoi, la MICOPAX? C'est la mission de consolidation de la paix en République centrafricaine, aujourd'hui appelée MISCA. Dirigée par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, elle est principalement composée de soldats gabonais, congolais, camerounais et tchadiens, soit des militaires de pays qui lorgnent sur les richesses naturelles de la Centrafrique et qui ne peuvent que se féliciter de son affaiblissement. Autant dire, alors, par conséquent, que Bozizé ne peut attendre un grand soutien de la part de la MICOPAX. C'est exact. En février 2013, cependant, le président Bozizé fait un geste. Il nomme Michel Djotodia, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Alors que Djotodia est toujours l'un des dirigeants de la Seleka. Mais à la mi-mars, Bozizé, qui décidément souffle chaud et le froid, renie la plupart de ses promesses et annonce surtout sa candidature pour les élections présidentielles de 2015, alors que la Constitution le lui interdit. Ouais, et ça provoque forcément la colère de ses opposants. Évidemment, et aussi chez les militaires. À partir de ce moment, tout va aller très vite. Le 17 mars, 5 ministres sont pris en otage. Puis, 4 jours plus tard, les forces de la Seleka, appuyées par des conseillers tchadiens, foncent sur Bangui. Il leur suffit de 3 jours pour s'emparer de la capitale. Dès le 24 mars, les rebelles de la Seleka contrôlent 15 des 16 provinces du pays. Il a fui vers le Cameroun dans la matinée du 24 mars, après avoir tenté une ultime fois et toujours en vain de demander l'aide de la France, où il finira d'ailleurs par se réfugier. Tandis qu'à Bangui, Michel Djotodia a suspendu la Constitution et s'est auto-proclamé président par intérim. J'imagine que comme tous les militaires qui viennent de perpétrer un putsch, il a promis d'organiser plus tard des élections. Oui, mais pas avant 18 mois. Ah, quand même. En tout cas, Djotodia prend ses précautions. Il installe la présidence et le gouvernement de transition dans un camp militaire à Bangui. De peur d'être lui-même victime d'un coup d'État? On peut le penser. D'autant que le pays est aussitôt livré au désordre et à la violence. Oui, mais qui avait commencé avant même la prise du pouvoir par la Seleka. Entre février et le 2 juin 2013, un rapport de l'organisation internationale Human Rights Watch dénombre une trentaine d'attaques menées par des combattants de la Seleka sur des villages et des villes. Plus de 1000 maisons ont été incendiées et au moins 40 civils tués. Il a été aussi observé que ces combattants étaient parfois accompagnés d'éleveurs nomades, à cheval ou à moto, qui se déplaçaient avec leurs troupeaux entre le Tchad et la Centrafrique. Comment réagit le gouvernement issu des rangs de cette Seleka? Il nie contre toute évidence la réalité de ces exactions par la voix du général Nouradine Nadam, qui a été nommé ministre de la Sécurité publique, un homme du Nord très proche des Tchadiens. C'est peut-être le moment alors, de parler du Tchad qui, m'avez-vous dit, lorgne sur la Centrafrique. Depuis longtemps, et encore plus à l'occasion de cette crise. Car N'Djamena, entend s'imposer de plus en plus dans le pays et y envoie des soldats supplémentaires. En fait, il apparaît que le Tchad fait la pluie et le beau temps en Centrafrique. Déjà, il avait épaulé Bozizé quand il avait pris le pouvoir en 2003. Et un peu plus tard, sous des prétextes divers, l'armée tchadienne avait lancé de nombreux raids sur des villages frontaliers. Ouais, alors les relations s'étaient donc dégradées entre Déby et Bozizé. Oui, oui, surtout quand le président tchadien a jugé que son homologue centrafricain était incapable de faire régner l'ordre dans son propre pays, et notamment sur ses frontières. Et dès 2012, Idriss Déby a estimé qu'il fallait que Bozizé parte. La preuve, c'est qu'il a libéré des membres de la future Séléka qui se trouvaient sous surveillance au Tchad. Autant d'hommes qui ont rejoint illico la rébellion centrafricaine. Et en 2013, il a franchi un pas supplémentaire en soutenant ouvertement la Séléka. Bon, c'était d'autant plus facile que des soldats tchadiens se trouvaient déjà en Centrafrique. Ouais, dans cette force panafricaine, à la MISCA. C'est ça. Ouais. Et on a pu observer que les soldats de Déby n'ont rien fait pour empêcher les rebelles d'arriver jusqu'à Bangui. En réalité, Idriss Déby est même allé plus loin, car il a apporté une aide officieuse à cette rébellion. Mais alors, que cache cette ingérence ? Essentiellement des intérêts pétroliers. Il existe en effet des champs pétroliers de part et d'autre de la frontière entre les deux pays. Et Déby a toujours considéré que c'était son pays qui devait prioritairement exploiter ce pétrole. En tout cas, si la Centrafrique avait des velléités de le faire, ce ne pourrait être qu'en association avec le Tchad. Ouais, et sous son autorité. Oui, c'est à peu près ça. D'autant que Déby a 10 ans d'avance en la matière et que le pétrole centrafricain ne pourrait être évacué que par l'oléoduc qui existe déjà entre le Tchad et le Cameroun. Mais le Tchadien poursuit aussi un autre objectif. Il veut écarter les compagnies chinoises qui avaient des visées sur le pétrole centrafricain. Ce n'est pas par hasard que la Séléka, dès son arrivée au pouvoir, a déclaré qu'elle avait l'intention de négocier directement un accord pétrolier avec N'Djamena. Mmh. La Séléka qui serait donc, alors selon vous, dans les mains du président Déby ? Ça me paraît clair, car le Tchadien veut absolument contrôler et sécuriser les champs pétroliers qui se trouvent au sud de son pays. Or, dans cette zone, il existe traditionnellement des groupes rebelles hostiles, des opposants armés qui disposent d'une base arrière en Centrafrique. Donc Déby, en aidant la Séléka, veut aussi éradiquer ce foyer d'opposition. Et en finir avec ces rebelles, oui. Alors, revenons à la chronologie des derniers événements. La Séléka a donc réussi à chasser Bozizé. Et Joto Dia est devenu président. Mais rien n'est réglé. L'insécurité va grandissant et Joto Dia lui-même est assis sur un trône bien instable. C'est pourquoi en juillet, il fait appel à des mercenaires français appartenant à une société de sécurité privée. Une société française ? Oui. Roussel G Sécurité. Une petite armée destinée à assurer la sécurité rapprochée du nouveau président. Mais à Paris, on n'apprécie guère l'arrivée à Bangui de ces mercenaires. Quoi, ça fait mauvais effet ? C'est le moins qu'on puisse dire, et ça rappelle de mauvais souvenirs. Ouais, la France-Afrique, quoi. Et les menées barbouzardes du temps de Focard. Oui. L'ambassadeur de France va donc tout faire pour que ces mercenaires prennent l'avion du retour. Peu après, à la mi-août, on assiste à de très graves événements. Les soudards de la Séléka veulent nettoyer un quartier de Bangui, Boyrab, un ancien fief de Bozizé à Bangui, où se cacheraient des officiers restés fidèles à l'ex-président et où il y aurait des caches d'armes. Le ratissage va donner lieu à de nombreux meurtres et viols. Ouais, le viol qui est malheureusement devenu une sorte d'arme de guerre en Afrique. Hein. Comme l'avait déjà été dans l'ancienne Yougoslavie. À Boyrab, les massacres ont poussé par milliers ses habitants à envahir l'aéroport qui est sécurisé par le contingent français. Et la population est si traumatisée que Joto Dia essaie d'obtenir le départ de Bangui des combattants de la Séléka. Alors, c'est-à-dire des hommes qui l'ont porté au pouvoir. Et à Paris, on est également horrifié. À la fin août, le président Hollande, recevant des représentants des ONG présents en Centrafrique, évoque, je cite, « un pays au bord de la somalisation ». Somalisation, oui. Et il regrette de ne pas avoir ordonné aux soldats français d'intervenir après les massacres du quartier de Boyrab. Ouais, mais il est trop tard. Certes. Toutefois, c'est sans doute à cette date que Paris a enfin réalisé qu'il fallait agir en Centrafrique. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Après les horreurs de Bouarab, le journaliste du Monde Cyril Ben Simon écrit ceci. Venu visiter ses administrés qui n'ont pas fui, un notable réfugié dans un lycée témoigne. Dans le secteur Mandaba, ils ont tué 6 personnes, dont un enfant de 10 ans. Mardi, les Sélékas m'ont mis à genoux et pris mon argent avant de piller ma maison. Face aux violences et à la colère de la population, le président Michel Djotodia a interdit aux combattants qui l'ont porté au pouvoir de participer aux opérations de maintien de l'ordre. Les ex-rebelles, qui ne répondent le plus souvent qu'à leur commandant direct, se plieront-ils à cette volonté? Les déclarations de bonnes intentions des autorités sont jusque-là restées lettres mortes. Transfuge de l'ancien régime, le ministre de la Sécurité, Josué Binoy, se dit prêt à relever le défi, mais souligne l'indigence de ses moyens. Nous avons recensé 5600 policiers et gendarmes, mais les commissariats sont cassés et nous n'avons ni véhicules, ni moyens de communication, ni armes non létales. Au début septembre 2013, la Séléka est officiellement dissoute, mais la réalité est bien différente. Les ex-rebelles conservent plusieurs leviers de pouvoir, à commencer par la personne du Premier ministre. Ouais, cette dissolution ne change donc rien. C'est évident. L'insécurité a gagné presque tout le pays. Il s'y ajoute une donnée nouvelle. On observe la dangereuse montée en puissance de l'antagonisme religieux. Un peu à l'image de ce qu'il se passe au nord du Nigeria, où la secte Boko Haram s'attaque systématiquement aux chrétiens. Mais concrètement, alors, qu'observe-t-on? Ça a commencé dès que les combattants de la Séléka se sont mis en route pour s'emparer de Bangui. Ils ont pillé des églises et agressé des prêtres, tandis qu'ils épargnaient les mosquées et les commerçants musulmans. Des exactions sélectives. Et qui vont envenimer les relations entre les populations musulmanes et chrétiennes. Alors que jusque-là, en Centrafrique, la coexistence était pacifique entre ces deux communautés. Oui, tout à fait. Conséquence, on a assisté du côté chrétien à la renaissance des milices villageoises qu'on appelle anti-balaka. Ce qui veut dire, hein? Le terme signifie anti-machette dans les dialectes locaux. Anti-machette. Oui, ce qui s'explique très bien. Ces milices d'autodéfense avaient été autrefois créées par les villageois pour lutter contre les bandits, les voleurs de bétail, les bandes rebelles ou tout simplement les braconniers. Et au moment de l'offensive, c'est le cas de décembre 2012, Bozizé avait tenté de les réactiver. Mais il n'y a pas que ces milices. D'autres groupes armés ont vu le jour, souvent composés d'anciens militaires restés fidèles à l'ex-président. Pour résister à la Séléka, donc. Bien sûr. Mais ces petites troupes sont bien moins équipées que la Séléka, qui est capable de mener de véritables batailles. Plusieurs engagements ont donc opposé ces milices aux ex-rebelles. Alors, et sur fond de guerre religieuse. Oui, et ça s'est traduit par des tueries de part et d'autre. Un premier exemple. Début septembre, à Bouka, dans le nord-ouest du pays, les miliciens anti-Balaka massacrent en moins d'une heure plus de 40 musulmans et incendient plus de 250 maisons. Et ça entraîne forcément des représailles. Les combattants de la Séléka, aidés par des jeunes de la ville, assassinent une trentaine de chrétiens et 300 maisons sont brûlées. Mais une semaine plus tard, ça recommence avec une ampleur encore plus grande. Ouais. De vraies batailles rangées, ça. Fin octobre, les Séléka attaquent avec des roquettes et des fusils la petite ville de Boire. On dénombre au moins 40 morts, tandis que 5000 réfugiés affolés s'entassent sur une propriété de l'église catholique. Et les autorités, bien sûr, sont impuissantes à juguler cette violence. Oui, quand elles ne prennent pas part à ces combats. En novembre, à proximité de la ville de Kambangui, on voit ainsi le général Abdallah Hamat, commandant militaire d'une province du sud-ouest, rassemblait ses soldats pour lancer une attaque contre un groupe armé local, anti-Balaka. 4 jours plus tard, les observateurs arrivés sur place trouvent une ville totalement détruite. Alors, le pouvoir, là, en l'occurrence, a donc choisi le camp des ex-rebelles. Et il s'agit d'une pente presque naturelle. Toutefois, à Bangui, le président Djotodia a quand même pris conscience du fait qu'il ne maîtrisait plus la situation. Il s'est résolu à faire appel à la France et à l'ONU pour venir au secours de son pauvre pays. Alors que c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore. Incontestablement. Mais il est déjà ostracisé par la communauté internationale. Il faut d'ailleurs noter qu'il n'a été reconnu ni par l'Union africaine, ni par la France. Il a beau affirmer qu'il se retirera en 2015 à l'occasion des prochaines élections, rien n'y fait. D'autant qu'il est évident qui ne jouit plus d'aucune autorité. Il est dépassé. Et débordé. Sa situation est même devenue si vulnérable qu'il pense à se rapprocher du sanguinaire Joseph Kony et de son armée du Seigneur. Non. L'homme qui semble émerger, je vous l'ai laissé entendre, c'est le général Noureddin Adam. Formé en Israël, il est très proche des Tchadiens et il est le seul à avoir encore une réelle autorité sur les chefs de guerre locaux. Vous avez dit qu'il était ministre de la Sécurité. Mais il est passé à la direction des services de renseignement. Ça veut dire en tout cas qu'il faudra obligatoirement compter avec lui, quelle que soit l'évolution de la situation en Centrafrique. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la France avait réalisé, fin août 2013, qu'il lui faudrait intervenir. Mais dès le mois de juillet, Paris a entamé une intense offensive diplomatique à l'ONU et au Conseil de sécurité pour alerter la communauté internationale sur la catastrophe humanitaire qui est en train de s'abattre sur la Centrafrique. Attendez, avant d'aller plus loin, si le président Hollande était venu en aide à Bozizé lorsque celui-ci le demandait, n'aurait-on pas justement pu éviter cette catastrophe? A posteriori, on peut construire tous les scénarios possibles. Et sans vouloir trouver des excuses au gouvernement de notre pays, je pense qu'il avait de bonnes raisons pour ne pas intervenir en mars. D'abord, parce que Hollande avait déclaré qu'il en était fini de la France-Afrique. Ouais, et puis la France venait d'intervenir militairement au Mali. Hein. Et par conséquent, il était délicat de conduire une deuxième opération en Afrique, même si à la fois pour des raisons historiques et stratégiques, Paris ne peut pas tout à fait se désintéresser de Bangui, qui est au centre de notre sphère d'influence sur le continent. Et on y a encore des intérêts? De moins en moins, mais c'est vrai que les ressources en uranium de la Centrafrique intéressent toujours Areva. Puis on a vu à Bangui pas mal d'hommes d'affaires français, là. Et des politiques. Hein. Patrick Balkany, par exemple. Ce dernier, semble-t-il, se passionne désormais pour l'Afrique. Oui, son sous-sol, hein, où on trouve donc de l'uranium, du pétrole, et ne l'oublions pas, des diamants. Et ça provoque bien des convoitises. On a aussi remarqué la présence assez récente à Bangui d'un Claude Guéant ou de Richard Attias. Ah, monsieur Cécilia Sarkozy. Allons. Autant d'hommes qui ont éprouvé un besoin urgent de parler avec le président Djotodia. Mais je reviens à ce que je disais. Si Paris n'est pas venu au secours de Bozizé, il y avait aussi une autre raison. Idriss Déby. Déby qui détenait les clés de la Centrafrique et qui, nous l'avons vu, a joué un rôle majeur dans la destitution de Bozizé et son remplacement par Djotodia. Déby qui porte donc une responsabilité directe dans la suite désastreuse des événements. C'est évident, puisqu'il a soutenu la Séléka. Mais Déby était aussi l'homme qui nous avait donné un sérieux coup de main au cours de l'opération Serval au Mali. Oui, en envoyant ses troupes. Qui sont les plus expérimentées des forces africaines pour combattre dans le désert. Oui, par conséquent, il ne fallait pas fâcher Idriss Déby. C'est exactement ça. Intervenir en Centrafrique, c'était aussi, forcément, entrer en conflit avec ses amis de la Séléka. Là où se trouvaient d'ailleurs de nombreux Tchadiens. Alors donc, on a laissé faire. Et c'est seulement au cours de l'été, m'avez-vous dit, que Paris s'est rendu compte que la Centrafrique risquait de sombrer dans un vrai désastre humanitaire. D'où cette offensive à l'ONU. Mais au moins, au début, l'initiative française a été reçue avec une certaine indifférence. Après tout, la Centrafrique, c'est le précaré français. Pourtant, les diplomates français ont fini par être convaincants. Puisqu'à la mi-août 2013, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont estimé que la crise en Centrafrique était une grave menace pour la région et se sont déclarés prêts à envisager toutes les options possibles pour stabiliser le pays. D'accord, mais concrètement, rien n'avait été encore décidé. C'est vrai. Aussi, fin septembre 2013, François Hollande se rend à New York et lance un véritable cri d'alarme à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Et 10 jours plus tard, le Conseil de sécurité adopte une résolution française ouvrant la voie au déploiement de casques bleus et au renfort de la mission panafricaine déjà présente. Ouais. Est-ce que l'activisme diplomatique français à ce moment-là ne donne pas l'impression qu'on a voulu à tout prix rattraper le temps perdu? Il y a certainement de ça, quoi qu'il en soit. Il semble bien que ces diplomates aient réussi à faire comprendre à la communauté internationale que la dégradation de la situation centrafricaine, en dehors même de son aspect humanitaire, concernait tout le monde, car le pays pouvait devenir un futur sanctuaire du terrorisme. Et ensuite, ça va aller très vite. Oui, à la mi-novembre, un navire de guerre français apparaît en direction du golfe de Guinée, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à une action immédiate en RCA et au déploiement de 6 000 à 9 000 casques bleus. Puis, le 26 novembre, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, annonce le déploiement d'un millier de soldats français supplémentaires pour une brève durée de 6 mois. Oui, ils sont actuellement 1600. Mais 6 mois seulement, est-ce réaliste? Quelques responsables de l'armée française estiment qu'il suffira d'un coup de balai pour rétablir la situation en Centrafrique. Ouais, un coup de balai, c'est-à-dire? Il faut concentrer des forces sur Bangui et les principales villes de la moitié ouest du pays. Et ensuite, dégager les axes routiers reliant Bangui au Tchad et au Cameroun. Et ce coup de balai achevé, on pourrait confier aux forces africaines missionnées par l'ONU le soin de terminer la besogne et d'assurer la sécurité. C'est peut-être une assertion un peu présomptueuse, non? Certainement, car selon les meilleurs spécialistes de la région, ce projet français qui consiste à frapper vite, fort et de partir ensuite, après avoir passé le relais aux Africains, ne tient pas. Mais pour quelle raison, là? Parce que si on veut vraiment guérir la Centrafrique de tous les maux qui l'accablent, il faudrait au contraire conduire une action en profondeur, à la fois pour restaurer un véritable État et aussi permettre la réconciliation entre les diverses communautés du pays. Oui, mais la France ne veut pas se réinstaller durablement en Centrafrique. Bien sûr, parce que ce serait le retour de la France-Afrique. Mais si cet effort n'est pas conduit, il faut craindre, à terme, que la Centrafrique ne retombe dans ses vieux démons une fois les forces étrangères parties. À samedi prochain pour un autre sujet sulfureux, le prétendu djihad du sexe. Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous. Le programme a été préparé par Rebecca de Nantes, réalisé par Michel Biou et mis en musique par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.